Chapitre 36e. Le colonel attendit Soriol le lendemain, mais sans le voir venir. Il eut seulement la visite de Thérèse et de son oncle, exceptionnellement autorisé à pénétrer dans sa cellule et amené par le directeur lui-même, il resta sans nouvelles de Soriol. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette absence? Cela ne laissait pas que d'être inquiétant. Depuis qu'il n'était plus au secret, il avait appris et vu bien des choses. Il avait vu les prêtres et les religieux qui étaient enfermés à Mazas. Et il avait appris que des gendarmes, des sergents de ville, des soldats, des personnes de toutes les classes, étaient emprisonnés à la Roquette ainsi que dans d'autres prisons. Ce grand nombre d'otages rendait la situation plus grave. Il était évident qu'à un certain moment il y aurait fatalement des exécutions et des massacres. Il était impossible qu'il en fût autrement et se faire illusion à ce sujet eût été aveuglement ou folie. Il avait aussi reçu la visite de son ministre et celui-ci lui avait promis de lui faire rendre la liberté. Mais réussirait-il? La flotte des États-Unis n'était pas au pont de la Concorde. En tout cas, il fallait se hâter, car les événements pouvaient se précipiter d'un moment à l'autre. Soriol, il est vrai, prétendait que c'était la défaite de Versailles qui devait se produire et non celle de la Commune, mais le colonel ne raisonnait pas ainsi. Aussi était-ce avec angoisse qu'il attendait Soriol pour apprendre que le départ de son oncle et de Thérèse était décidé. Ce ne fut pas Soriol qui lui apporta la nouvelle de ce départ, ce fut Thérèse elle-même. Le surlendemain, il fut grandement surpris de l'avoir entré seul dans sa cellule. « Et mon oncle ?» Ce fut le premier mot qui lui échappa. « Mon père est sous le coup d'un ordre d'arrestation. Mon oncle est venu nous l'apprendre aujourd'hui, de grand matin. Mon père voulait se laisser arrêter, mais nous sommes parvenus à le décider à quitter Paris. En attendant que nous partions ensemble, il est chez un de ses amis, où je dois le rejoindre. Nous sortirons par le chemin de fer de Vincennes. « Oh, mon cousin, pourquoi voulez-vous que nous vous abandonnions ? Au moins, permettez-moi de rester. Une femme n'est exposée à aucun danger à Paris. Je vous verrai tous les jours. Vous ne voulez donc pas de moi, votre petite Thérèse, votre cousine, votre amie ? » Et elle détourna la tête pour cacher sa rougeur. « Vous vous taisez, » dit-il. « Pourquoi, chère mignonne, n'achevez-vous pas ? Pourquoi, au titre que vous avez pour me demander une chose, n'ajoutez-vous pas le plus doux et le plus sacré ? Vous dites que vous êtes ma petite Thérèse, ma cousine, mon amie. Pourquoi ne dites-vous pas encore ma femme ? Oh, mon cousin, ne voulez-vous pas l'être ? Dites, chère mignonne, regardez-moi, relevez les yeux sur les miens et répondez franchement. Ne le voulez-vous pas ? Ne le direz-vous pas ? Il l'avait attirée près de lui, et tandis qu'il la tenait d'une main, de l'autre, il lui poussait doucement le front pour l'obliger à relever la tête et le regarder. Eh bien, ce mot, ne le direz-vous pas, chère Thérèse ? Peu à peu, sa tête s'était redressée. Elle releva en même temps les paupières et le regardant avec des yeux éperdus. « Votre femme » murmura-t-elle. Il la prit dans ses bras et, se baissant vers elle, il l'embrassa sur les cheveux. Après un long moment de silence et de trouble, elle se dégagea doucement et, le regardant tendrement, « Si je suis votre femme, ne voulez-vous pas me permettre de vous adresser une prière ? Gardez-moi à Paris. La place d'une femme n'est-elle pas à côté de son mari ? » Il n'était pas en disposition de rien refuser à celle qui lui parlait ainsi. Mais, hélas, ce qu'elle lui demandait était justement la seule chose qu'il ne pouvait pas lui accorder. « Avez-vous confiance en moi, chère petite femme ? » dit-il. « Vous le demandez ? Je veux dire, croyez-vous d'une part que je ne peux exiger de vous qu'une chose raisonnable, et d'autre part, croyez-vous que je serai heureux de vous voir chaque jour ? Oui, n'est-ce pas ? Vous le croyez ? « Eh bien, soyez convaincu aussi que, si je vous demande de quitter Paris, vous et votre père, c'est que ce départ, ce double départ est indispensable. Nous sommes tous, mon enfant, sous le coup de la fatalité, et vous ne pouvez vous y soustraire, vous et votre père, que par la fuite. Vous ne pouvez m'y soustraire moi-même qu'en partant ou plus vite. Je sais que je parle d'une façon inintelligible. Vous m'épouvantez. Plus tard, je pourrai sans doute vous expliquer ce terrible mystère. » Pour le moment, ayez assez confiance en moi pour faire ce que je vous demande, sans engager une lutte qui me déchire le cœur. La plus grande preuve de tendresse que vous pouvez me donner, la plus grande marque d'amour, c'est de partir. » Elle le regardait, en tâchant de deviner ce qu'il y avait sous ces paroles étranges, mais il veillait sur lui-même de façon à ne rien dire qui peut le trahir. Longtemps ils s'entretinrent ainsi, lui la priant de partir, elle le suppliant de la garder. Mais à la fin, elle dut céder, sentant elle-même combien devait être cruel pour lui le sacrifice qu'il s'imposait. « Nous avons été séparés 4 mois, dit-il. C'est quelques jours encore de séparation, quelques semaines au plus. Vous me savez au milieu du danger, et ici je n'ai à craindre que l'ennui, avec une lettre de ma petite femme. Mais me sera-t-il possible de vous écrire ? Assurément. Par la protection de votre oncle, tout sera possible, et je pourrai aussi vous répondre. » Le temps s'écoula vite pour eux. C'était la première fois qu'ils restaient, seuls en tête-à-tête, libres de parler franchement. Mais les murs qui pesaient sur eux imposaient à leurs sentiments une contrainte plus étroite que celle qu'ils avaient jamais subie. « Si c'était aussi la dernière fois, » se disait le colonel, et de peur de céder à son émotion, il tâchait de plaisanter. C'était en jouant qu'il l'aidait à disposer sous les tablettes tous les objets et toutes les provisions qu'elle lui avait apportées. « Une bonne femme doit connaître les manies de son mari, » disait-il. « Vous avez donc des manies, et vous ?» Puis tout à coup il s'arrêtait. Le sourire de leurs lèvres se changeait en une contraction, et l'émotion qui les étreignit l'un et l'autre se trahissait dans leur regard. « Nous reverrons-nous ? » se disait-il tout bas. « Quand nous reverrons-nous ? » se disait-elle. Ce fut lui qui fut obligé de la renvoyer, mais après combien d'efforts, combien de paroles. Il voulait se montrer ferme et confiant. Mais, s'il n'avait pas été elle-même affolée par l'angoisse, elle eut vu combien il était en réalité faible et chancelant. 20 fois, il la poussa vers la porte. « Partez, chère Thérèse !» 20 fois, il la ramena dans ses bras. « Reste près de moi, chère petite femme !» Enfin, s'approchant du regard du guichet, il appela le gardien. Bientôt un bruit de pas retentit dans le corridor. Alors, il la saisit vivement dans ses bras, et l'étreignant avec force sur sa poitrine tandis qu'elle se renversait, il l'embrassa longuement, aspirant l'âme de sa femme sur ses lèvres entr'ouvertes et lui donnant la sienne. La porte s'ouvrit, quelques paroles s'échangèrent, elle se referma, il était seul, et tout son être frissonnait des vibrations de ce baiser. Le premier qu'il lui donnait, et le dernier peut-être. Il resta longtemps, bien longtemps, assis sur sa chaise, la tête cachée entre ses mains. Il était encore dans cette position quand des pas s'arrêtèrent devant la porte de sa cellule. Le verrou fut tiré. C'était Sauriol. Mais ce n'était plus le superbe vainqueur qu'il avait vu quelques jours auparavant. Plus d'un signe de membre de la commune, plus de paroles hautes, plus de prestige, la tête basse, les traits tirés. En tout, un homme qui vient d'être écrasé par un coup terrible. Il tendit tristement la main au colonel. « Mon pauvre ami, » dit-il, « mon pauvre ami. » Plein de l'idée qui le hantait nuit et jour, le colonel pensa à son oncle. « Mon oncle ? » s'écria-t-il. « Oh, ce n'est pas sur lui que je m'attriste, c'est sur moi-même, et voilà pourquoi vous me voyez si accablé. » En tout autre moment, le colonel n'eût pu s'empêcher de rire de cette manière de se plaindre, mais le temps n'était pas à la plaisanterie. « J'ai commencé l'enquête que vos paroles m'obligeaient à faire, » continua Sauriol, « et j'ai découvert des choses terribles. Quelles choses ? Mon ami, permettez-moi de garder le silence. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus membre de la commune que de nom. Je me retire dans mon arrondissement. Ou, si je ne peux pas faire un peu de bien, je pourrais peut-être empêcher de faire beaucoup de mal. Soyez certain que je ne vous abandonnerai pas et que nous veillerons sur vous. » C'était là une promesse qui n'était pas de nature à rassurer le colonel. Alors que Sauriol se croyait tout-puissant, il n'avait pas pu lui rendre la liberté. Que pourra-t-il maintenant qu'il ne serait plus rien ? Mais ce n'était pas à lui qu'il pensait en écoutant ses paroles. C'était Anatole. Il ne put retenir son nom. Sauriol refusa de répondre et secoua la tête. « Tout ce que vous imaginerez sera au-dessous de la réalité. » Vous savez d'ailleurs que j'ai fait partir Antoine, cela doit tout vous dire. Puis revenons au sujet qui évidemment était pour lui le plus douloureux. J'aurais donné ma démission, si nous n'étions pas à l'heure du danger. J'acceptais cette fonction quand je croyais au succès. Je ne veux pas l'abandonner quand j'aperçois la défaite. Mais vous acceptez ainsi la responsabilité de faits auxquels vous n'avez coopéré en rien. Et cette responsabilité sera lourde, hélas, je le sais, mais que voulez-vous ? Je me suis engagé dans cette voie, sans savoir où nous allions. J'ai cru qu'étant en tête, je donnerais moi-même la route. Et en réalité, on nous a menés où l'on a voulu. D'autres, comme moi, porteront la peine de leurs erreurs. Et cependant, nos intentions étaient bonnes. Pendant longtemps, Sauriol pleura ainsi sur lui-même, et ce fut le colonel qui fut obligé de le réconforter. « Ce qui me peine le plus, » répétait Sauriol, celle de ne pas pouvoir vous rendre la liberté. Mais ne craignez rien. De loin, je veillerai sur vous. Au revoir. Je reviendrai bientôt. » Cette promesse de veiller sur le colonel, il l'avait faite aussi à Thérèse en quittant celle-ci. « Compte sur moi, petite. Tu laisses ton mari entre mes mains. Je te le rendrai. Je veux que tu sois madame la colonelle Chamberlain. Pars tranquille. » Et Thérèse était partie, non tranquille, mais cependant confiante dans la promesse de son oncle qu'elle croyait en position de protéger le colonel. Elle avait aussi emporté une autre promesse en laquelle elle avait grande foi, bien que celui qui la lui eût donnée ne fût pas en position de parler avec l'autorité de Soriol. C'était celle de Michel, car Michel n'avait pas voulu quitter Paris. « Je ne vous serai pas utile en vous accompagnant, dit-il, tandis qu'ici je pourrais veiller sur lui. »« Vous ferez cela ? » s'écria-t-elle. « Vous, Michel ? » ?»« Ah, Thérèse, comme vous savez peu combien je vous aime. Comprenez donc que je n'ai qu'un but dans la vie, vous voir. Non pas vous voir, car je ne vous verrai pas, mais vous savoir heureuse. Et si vous êtes heureuse par moi, ce me sera un bonheur. Comment donc vous expliquez-vous que j'ai renoncé à vous si vous ne sentez pas cela ? Pardonnez-moi, dit-elle. Sans doute, la protection d'un homme comme moi, qui n'est rien et qui, de plus, ne marche qu'avec des béquilles, est peu de chose. Mais il peut arriver un moment où elle est cependant utile. Nous nous entendrons tous les trois, Horace, Deniso et moi, pour faire bonne garde autour de lui. Comptez sur nous. Comptez sur moi. Quand vous saurez où vous vous fixez, faites-moi parvenir une lettre et je vous écrirai. Par moi, vous aurez de ses nouvelles. » L'intention d'Antoine, en quittant Paris, était d'aller se fixer à Gournay ou au Moulin Flottant, si le Moulin Flottant n'était point coulé, et d'attendre la fin de la tempête. Il retrouva le Moulin Flottant tel qu'il l'avait quitté la dernière fois qu'ils y étaient venus, car les obus d'Avron n'avaient pas pu aller plus loin que le pont de Gournay, mais ils n'y purent pas rester, comme ils en avaient eu le désir. Au Moulin Flottant, on était à 500 lieues de Paris pour les nouvelles, bien qu'on entendît la canonnade des forts de Montrouge et d'Issy. Ni le père ni la fille n'étaient en disposition d'attendre tranquillement la fin de la tempête, sans savoir les phases qu'elle traversait. Ils partirent donc pour Versailles, où ils s'installèrent. Là, au moins, ils suivraient la marche des événements. Pendant plusieurs jours, ils restèrent sans aucune nouvelle du colonel. Mais enfin, ils parvinrent à organiser un service à peu près régulier qui portait leurs lettres rue de Courcelles et rapportait celles que leur écrivaient le colonel, Michel et Horace. Sans doute, c'était quelque chose, c'était même beaucoup, mais combien peu, cependant, pour leur angoisse. Les journées étaient éternelles, le temps ne marchait pas, et cependant ils se demandaient s'ils n'allaient pas encore trop vite. Que devaient-ils souhaiter, le triomphe de Versailles ou celui de Paris ? C'était Antoine, surtout, qui se posait ces questions avec épouvante, car bien que l'ordre d'arrestation pris contre lui eût jusqu'à un certain point détourné ses soupçons, il n'avait pas supprimé tous ses doutes et toutes ses craintes. Pourquoi le colonel, pourquoi Michel, avait-il voulu si obstinément le faire sortir de Paris ? Et alors, à cette question, s'en enchaînaient immédiatement d'autres, qu'il n'osait même pas examiner, mais qui flottaient devant son esprit comme de sinistres fantômes qu'on ne peut chasser. Un jour, le messager qui leur apportait leurs lettres de Paris arriva, accompagné d'une jeune femme qui paraissait sous le coup d'une exaltation douloureuse. Elle leur remit une lettre de Soriol, dans laquelle celui-ci pria Antoine de s'entendre avec cette femme qui pouvait sauver le colonel. « Et comment ?»« Mon amant, qui est chef de bataillon dans la garde nationale, a été fait prisonnier. Obtenez qu'on me le rende, et en échange, je vous fais rendre le colonel Chamberlain. » « Et par quels moyens obtiendrez-vous la mise en liberté du colonel quand personne n'a pu l'obtenir ?»« Ça, c'est mon affaire, et vous comprenez bien que je ne vais pas vous dire mon moyen. Donnant, donnant, rendez-moi mon amant, je vous rends votre colonel. C'est Soriol qui m'envoie à vous. » Antoine connaissait quelques députés de Paris avec lesquels il avait eu des relations politiques, et parmi eux, il s'en trouva même deux qui avaient été ses amis. Il courut à eux pour leur demander d'arranger cet échange, qui pour lui était la chose la plus simple et la plus naturelle, un prisonnier pour un prisonnier. Le colonel Chamberlain contre un pauvre diable de chef de bataillon inconnu qui n'avait pour lui que le dévouement d'une femme qu'il aimait. Mais à sa grande surprise, cette chose simple et naturelle pour lui ne l'était pas pour les autres. On venait de proposer un échange autrement important, celui de l'archevêque de Paris, de ses prêtres, de Chaudet et de plusieurs otages encore contre le seul Blanqui, et on l'avait refusé. Était-il probable qu'on acceptât celui du colonel Chamberlain contre ce chef de bataillon ? Mais c'est précisément ce qui rend cet échange sans importance, dit Antoine. Le colonel n'est rien, il n'appartient à aucun parti, on ne pourrait pas en faire un martyr. Cependant, quelques ailes qu'eussent mis les amis d'Antoine pour négocier cet échange, il fut refusé. Il y avait un parti pris. Est-ce que ces communards existaient ? Est-ce qu'on devait leur parler autrement qu'à coup de fusil ? Ils étaient perdus. On les empêcherait bien de faire le mal qu'ils voulaient. Pas de négociation, pas de faiblesse. Eh bien, sachez seulement où mon amant est emprisonné, dit la jeune femme lorsqu'on lui transmet le résultat de ces négociations. Qu'on ne le maltraite pas, qu'on adoucisse son sort, et je vous promets que je ferai adoucir celui de votre colonel. Si vous voulez qu'on le transfère dans une prison où il sera moins mal qu'à Mazas, on le transférera où vous voudrez, je m'en charge. Pour Antoine, c'était là un point d'une importance capitale, car il était loin de penser à l'égard des communards, comme ceux qui étaient sûrs de les empêcher de faire le mal. Il savait au contraire qu'ils avaient la puissance de faire ce mal et il craignait un massacre des otages. Si le colonel pouvait être transféré dans une prison où il n'y avait pas d'otages, il serait donc à peu près sauvé, ou tout au moins ses chances se trouveraient-elles singulièrement accrues. Cette nouvelle négociation eut un meilleur résultat que la première. On voulut bien tirer le chef de bataillon de la cave dans laquelle il étouffait pour le transférer dans une vraie prison où sa maîtresse put le voir. Et 4 jours après, Thérèse reçut une lettre de son cousin datée de Sainte-Pélagie où il avait été transféré. Pour elle, qui ne connaissait pas les craintes de son père, ce transfèrement n'avait d'autre importance que d'améliorer la situation du colonel. Mais pour Antoine, il fut un véritable soulagement. S'il y avait des massacres dans les prisons de Paris, celle de Sainte-Pélagie, qui, croyait-il, n'en renfermait pas d'otages, serait préservée.